بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل في قراءتنا إن شاء الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية وثمانين: اتخاذهم لوسائل الشرك. يعني dans la 80e ou 82e مسألة qui prennent des moyens qui amènent au shirk. Ils utilisent des moyens qui amènent au shirk. Et là, j'ai remarqué que dans ma Tabara que j'ai là, mon édition, il y a pas mal d'erreurs. Il y a des mots qui manquent, et des fois je m'en rends pas compte. Des fois je le vois, des fois je ne le vois pas. Voilà, mais il y a Yusabab Khalan Filmarana. Des fois ça peut altérer le sens. Et il se peut que j'ai lu des phrases sans m'en rendre compte, et même traduites, me basant sur ce que j'ai lu. Faizah Salah Zalika, et que il y en a d'entre vous, Salah se rend compte qu'il y a un sens qui est contraire à des Adillah ou à des Zalika, qu'il le fasse savoir, m'afficher, on corrigera. Parce que des fois j'ai lu sans m'en rendre compte, et c'est que n'est que par la suite que je me suis rendu compte que le livre contient des erreurs. Des fois il y a des mots qui manquent, des fois il y a des mots en plus, peut-être même dans les versets, alors, les versets que j'ai pas bien mémorisé du Coran, il se peut que je les ai lus avec une erreur. À la colline, celui qui voit, constate une erreur ou quoi, Inch'Allah, qu'il ne m'en fasse pas, m'afficher. Ça oublie, Inch'Allah ta'ala. D'accord, là. Ittikhaz al-suruj ala al-kubur. Qu'ils mettent des lanternes sur les tombes. Taïeb. Quand là, fi sharh, al-shaykh al-fawzan, hafidhahullah ta'ala. اتخاذ الثلوج على القبور أن يجعل فيها أنوارا من المصابيح أو الفنانين أو الفوانين أو الكهرباء على شكل كناديل لأجل الزيارة. Donc là c'est le fait qu'ils mettent des lanternes et des moyens d'éclairage sur les tombes. Sur les tombes, des torches ou غير ذلك, sur les tombes. Pour pouvoir les visiter. C'est-à-dire éclairer le lieu pour le rendre visitable. فقال ولا يجوز هذا لأنه من أسباب الشرك وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن الميت فإنهم يأتون معهم بسراج أو فانوس بقدر الحاجة أما أنه يجعل في مقبرته أعمدة كهرباء أو أعمدة كهرباء تنور فهذا منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. خرج أبو داود. Donc il dit qu'il n'est pas permis de faire cela. Et ça c'est une chose, je l'apprends en lisant ce livre, comme il va l'expliquer. Car si les gens ont besoin, par exemple, d'enterrer un mort de nuit, car il est permis d'enterrer de nuit, comme ce fut le cas de Abou Bakr Siddiq, qui a été enterré de nuit, ou cette femme qui était morte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogeait à son sujet, et ils lui ont dit, où est Fulena? C'était la femme qui s'occupait du masjid, il dit, elle a été enterrée hier soir, il dit, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Ils ont dit, on n'a pas voulu te déranger. Ce qui démontre que c'était la nuit. Et il est retourné vers elle, il a fait salat sur elle. Et même Boukhali, il a fait un tabouib là-dessus. Et dafn bil layl, le fait d'enterrer la nuit. C'est une chose qui est permise. À la colline, si quelqu'un a besoin d'enterrer, par exemple, dans un lieu sombre, un makbara qui est sombre, au haut de la nuit, il prend avec lui de quoi l'éclairer, et après il repart avec, il ne le laisse pas sur place. Donc là, le shir, il dit bien qu'il n'est pas permis justement de mettre des poteaux électriques avec des lumières dans les makbara. C'est une chose qui est interdite. Et un ami, c'est la kumfihada, je suis comme pour un astafid minhada al-hukm, je ne connaissais pas ce hukm-là. Et sa preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala maudit ceux qui visitent les tombes, et ceux qui les prennent comme masajid et comme lieu d'éclairage. C'est le hadith. Et le hadith a été authentifié par l'Albani, rahimahullah ta'ala. Après, il évoqua la mas'ala qui n'est pas permis aux femmes de visiter les kubours. Ça, c'est une mas'ala khilafia. Il y a un grand khilaf sur la mas'ala, est-ce que cela est permis ou pas. Et là, on ne va pas évoquer le sujet. Lui, en tout cas, il est d'avis qu'il n'est pas permis aux femmes de visiter les kubours. Et en ce qui me concerne, c'est également l'avis de ce que j'ai lu, sans avoir fait non plus une grande recherche approfondie, c'est l'avis qui me paraît le plus proche de la vérité. Allah a'lam. Donc le shahid, Il dit bien que les Kubur, également, en expliquant, comme a déjà fait le hadith, hadith Ali, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tadar kabran, mushrifan ya'ani murtafi'an il sawaita. Il lui a dit, ne laisse pas une tombe élevée sans que tu la planisses. Et il cita justement le jugement qui est qu'il n'est pas permis de faire des tombes élevées, ou de bâtir dessus des mausolées, ou des bâtisses, ou autre chose. Al-Zalika, on voit même comment les gens ils font aujourd'hui mettre des photos, et mettre un tas de choses, et d'embellir la tombe. Il a dit juste la tombe, elle est faite normalement, légèrement surélevée pour qu'on sache que c'est une tombe, et mettre autour des pierres. Pour qu'on sache que c'est une tombe, car il n'est pas permis de marcher dessus. Et il se peut que des fois, quelqu'un il voit une tombe, il ne sait pas que c'est une tombe, il marche dessus. Ou il la profane. Donc pour éviter cela, il dit, la tombe elle est légèrement élevée, une bosse, et autour des choses comme des pierres ou quoi, pour qu'on sache que c'est une tombe. Donc le shahid de cela, c'est qu'ils utilisent des moyens qui sont des choses qui mènent au shirk. Et l'islam est venu justement fermer les portes à kulli wasa'il allati wasil al-shirk. Hatta il y a certains ulama, ils ont mis comme quoi que le shirk asghar, c'est kulli wasila tu'addi ila shirk al-akbar. Tout moyen qui amène au shirk akbar, c'est du shirk asghar. Mais ce tarif, il est pas précis, il est pas correct. Car il y a des choses qui amènent au shirk akbar et qui n'ont pas été nommées comme shirk. Mais en réalité, le shirk asghar, c'est kulli wasila تؤدي لشرك أكبر وقد أطلق عليها الشرع بأنه شرك أصغر. C'est en fait il faut rajouter que c'est toute chose qui amène au shirk akbar et que la législation a nommé comme étant shirk. Car des choses qui sont les shirk et qui ne sont pas les shirk asghar. L'exemple que les ulama donnent, مثلاً تصوير. Le fait de représenter des images, de façonner des images, d'être contenant des âmes. C'est un moyen qui amène au shirk, et pourtant, personne n'a dit que c'est le shirk asghar. Même si demain quelqu'un prend une photo, c'est un kabir min kabira, un kabira min kabair, on va pas dire que c'est le shirk asghar. Ça, personne n'a jamais dit ça, à ce que je sache. Wallahu ta'ala alam. Donc là, c'est Beb Mithel. Mais ils prennent beaucoup de choses qui sont des moyens qui mènent au shirk. قال المسألة الثالثة وثمانون. عقوفهم عن القبور qui est la 83e mas'ala qu'il se recueille auprès des قبور auprès des tombes. فقال اتخاذ القبور اعيادا qui prennent les tombes comme lieu du عيد. فقال في شرح الاعياد جمع عيد وهو ما تكرر ويعود وهو لقسمين. Donc les اعياد c'est le جمع du عيد. Nous on traduit ça par fête. Quand même c'est traduit par une fête. Mais ça peut avoir un sens bien plus large. Et en fait, il dit, parce que fête, également en arabe, ça, c'est hafla. Le fait de célébrer une chose. Ama'id, c'est plus particulier. C'est un rite qui se répète. Comme il va l'expliquer maintenant, Inch'Allah. Donc il dit, al-qism al-awwal, la première catégorie de Eid, wa Eid zamani. C'est un rite qui est lié au temps. Qui est Eid al-Ramadan ou Eid al-Adha. D'accord? Ou al-Qism al-Thani, Eid Makani. C'est un Eid qui est lié au lieu. C'est-à-dire, c'est le Mekan dans lequel les gens se réunissent de façon mensuelle ou annuelle ou hebdomadaire ou peut-être même quotidienne, ça dépend. Ils s'y réunissent pour une Ibadah, مثلاً, même si ce n'est pas une Ibadah. Ils se réunissent pour une raison particulière. Et qui n'a pas été forcément légiféré par la religion. Donc c'est pour ça que les gens, des fois, ne s'en rendent pas compte. Ils font des actes, quand même, qui sont liés aux coutumes ou qui sont liés aux adorations. Ils les spécifient en un lieu particulier ou en un temps particulier. Donc là, ça revient à un Eid. C'est pour ça qu'on dit que le Eid, c'est plus large que fête. Parce que des fois, c'est pas une fête. C'est pas forcément un acte qui amène à une fête. Et le fait que ça se répète, que tu spécifies un lieu particulier dans lequel ça accomplit cette chose, ou un moment particulier les cinq solennes d'origine dans la religion. هذا يسمى عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا يعني مكانا للاجتماع حوله والعكوف حوله وتردد إليه أو تردد عليه وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit, ne faites pas de ma tombe un عيد, un lieu de عيد, c'est-à-dire un lieu dans lequel vous vous retrouvez, auprès duquel vous vous recueillez, et que ça se répète. Et si vous le faites la salat sur moi, faites-la où que vous soyez, car votre salat m'atteindra. Wa akhraj Abu Daoud. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit de ne pas prendre sa tombe comme étant Aïd. La tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est mashrou' de la visiter lors d'une occasion. Comme le Hajj, Umrah wa Zalika. Et voyager en but d'aller visiter sa tombe, ça, c'est pas une chose qui est légiférée que les sahabas n'ont pas fait. Donc, il dit, fallait, les salat à la rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, en akabrihi, khasiyah. Bel salli alayhi fi ay mekan, fi mashriq, ou fi al maghrib, wa fi ay mekan salli à la rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fayabla ou zalika. Donc, c'est-à-dire, ne pas s'imaginer que pour faire la salat sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il fallait près de sa tombe. Où que tu sois, tu le fais. Sa tombe n'a rien de particulier, ni le fait de s'y essuyer, ni rien du tout. Si tu passes devant, tu le salues. Comme un canaï Ibn Omar, quand il passait devant le cobre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il le saluait lui, ainsi que Abu Bakr, ainsi que son père. Mais le fait d'y aller, pour ça, en pensant que cette salat aura plus de valeur à ce moment-là, ou l'adoration a plus de valeur, ça, c'est un fikr qui est khati. C'est une grande erreur. Wa hadha yuaddi ila shirk. Même si toi, tu ne vises pas à adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça revient à la mas'ala du al-ghulu fi athar al-anbiya, le fait d'exagérer dans les traces laissées par les anbiya. Et la tombe en fait partie. Donc le fait de se recueillir auprès des tombes, comme les koufars le font, ils y vont pour les visiter. Eux, ils vont pas forcément pour visiter se rappeler la mort, sûrement pas. Les koufars sont les gens les plus loin à se rappeler la mort. Ils en ont peur. Ils font tout pour la cacher. Mais ils y vont pour se remémorer la personne, mathalan, ou pour aller nettoyer la tombe, des fleurs ou je ne sais quoi, ou même faire du shirk, bien entendu. Ils vont le voir, ils lui parlent. Tu vas voir le kafir, il va près de la tombe de son grand-père. Il dit, oh papy, tu sais, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, un tel il a fait ci, il a fait ça, si seulement tu étais là, kaza et kaza. Et il lui parle comme s'il était présent. Il est mort, il t'entend pas. Mais bon, c'est les koufars. Où ils viennent mettre des fleurs, comme vous le savez, et d'autres systèmes pour se commémorer cette personne. Et aujourd'hui, les musulmans, ils font pareil, mais eux, ils le font également, malheureusement, dans l'adoration. Ils ont pris des koubours, comme Messalen, le chef de site, comme le Badawi, Abdel Qadir al-Badawi, qui est une tombe, je sais plus où est-ce qu'elle est, je crois, dans l'Égypte, Allah Alem. Al-Kullin, c'est une tombe qui est connue, et qui est devenue un lieu, justement, de ibadah et du shirk. Car les gens ont fait du roulou dans sa personne, et se sont mis à l'adorer. Et sa tombe est devenue un lieu de recueil. Certains n'y vont même pas forcément pour l'adorer lui, mais cette tombe est devenue un symbole pour eux auprès duquel on se retrouve. Donc le fait de prendre les koubours comme le Eid, et même autre que les koubours, هذا من مسائل الجاهلية. Mais lui, il a spécifié là les koubours. ثم قال في المسألة الرابعة وثمانين 84e مسألة تقرب من الله بالذبح عند الكبور. Qui se rapproche d'Allah, ils font un acte d'adoration en égorgeant, en sacrifiant près des kubur. يعني الذبح عند الكبور. قال في شرح حفظه الله تعالى. قال الله تعالى فصلي لربك وانحر. Donc accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. وقال تعالى ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Donc il dit la religion de Ibrahim qui était la pure, et Ibrahim n'était pas du nombre des mushrikin. Il dit, certes, ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes. Fadhabh ribadatun lillah. Donc le sacrifice, le fait d'égorger, est une adoration pour Allah SWT. فالذبح للقبور إذا كان تعظيما لهذا فهذا شرك أكبر. Égorger auprès d'une tombe, si jamais cela est fait pour pouvoir faire un ta'zim de cette tombe, de la personne qui est dans la tombe, alors cela est du shirk akbar. فإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. Par contre, s'il fait cela près de cette tombe, pour Allah, il dégorge pas pour la tombe. Mais il pense que cela est légiféré d'égorger près d'une tombe, cela est une bid'a et un moyen menant au shirk. Mais l'imam As-Sana'ani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Tadhir al-Irtiqad, lui, il dit que celui qui agit de la sorte, c'est qu'il y a un trou dans son cœur. Car des gens, ils disent des gens vont égorger près des koubours. Lorsque je dis pourquoi tu fais cela, il dit non, je ne fais pas pour le kobr, je fais pour Allah. Il dit comment, ça veut dire que près de chez toi, tu habites à telle distance, tu as pris ton animal, tu l'as traîné jusque là-bas. D'accord? C'est-à-dire, tu as connu de la fatigue. Après, tu t'es mis à faire couler du sang sur cette tombe, au côté de la tombe, en pensant que juste cela est permis et machoulou. Pourquoi tu l'as pas fait chez toi? Où est la différence entre chez toi et cette cobre? C'est que tu as un irtiqad dans ton cœur, tu as une chose dans ton cœur qui t'amène à penser que cette cobre, c'est un lieu dans lequel il y a un mérite, il y a une valeur. Donc, même ça, ça renferme quelque chose. Au minimum, on doute de toi. Maintenant, si c'est un ignorant, on lui enseigne. Mais s'il persiste, après cela, il se peut qu'un jugement lui tombe dessus, par rapport à cet acte. Et à la base, الذبح لغير شركم أكبر مطلقا. Égorger pour autre que Allah, cela est du shirk. Il n'y a pas de tafsil dans la mas'ala. Après, il précise bien que le ذبح est de deux catégories, celui qui est ibadah et celui qui est mubah. مثلاً, ce n'est pas tout égorgement, bien que tout égorgement doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas tout qui en lui-même fait en guise d'adoration. Il dit bien, le zabh qui est fait pour le tijara, par exemple pour vendre la viande, ou pour inviter des douyouf, t'as des invités, tu veux les honorer. Par exemple, ça c'est des choses permises. Par contre, il y en a certains d'autres, comme le fait pour la aqiqa, ou pour une walima, ou pour l'id, d'autres, ça ce sont des adorations. Les deux n'ont pas le même jugement. Mais tous se réunissent sur un point que l'égorgement doit être fait bismillah. Ah, ben. Donc eux, parmi les sifat des gens de la jahiliya, qui vont faire le zabh près des kouboules. Et Azi aussi là, les shirk. Même si lui, il n'a pas nié de faire du shirk, cela va y mener. Et ça revient à la masala précédente. Qui prennent des wasa'il, ou plutôt celle d'avant, Afouen. La 82e. Qui prennent des wasa'il qui amènent au shirk. Ils font des choses, des actes qui sont des causes menant au shirk. ثم قال في المسألة الخامسة والسادسة والثمانين احتفاظهم بأثر المعظمين أو المعظمين. Donc qui sont la 85e et 86e masala, qu'ils conservent les traces des gens qu'ils glorifient. Akada. فقال في المتن رحمه الله تعالى التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلى التقوى. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'il cherche la baraka par les traces des gens qu'ils ont glorifiés. Comme ce fut le cas de Dar al-Nadwa, qui est un endroit qui est à Mecca, Inch'Allah, dans le Sharh, il va expliquer. Et le fait de se vanter des origines de ces lieux, de ces choses. Comme lorsqu'il fut dit à Hakim ibn Hizam, tu as vendu l'honneur ou l'honorabilité de Mecca, de Quraysh plutôt, enfin de Quraysh, qui était ce lieu qui s'appelle Dar et Nadwa. Il dit, les honneurs sont partis, n'est resté que la taqwa. Inch'Allah va expliquer ma'ana al-kalam. Donc il dit, ta'zim athar al-mu'azzamin min al-ulama, أو من الملوك ومن من الرؤساء بأن تحيا بأن تحيا عفوا تحيا هذه الآثار وتصان وغير ذلك هذا العمل وسيلة من وسائل الشرك وهذا من دين الجاهلية لأن يأتي جيل فيما بعد فيقولون أو يقول لهم الشيطان إن أباءكم ما احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة وفيها خيرا فيعبدونها من دون الله. Donc le fait de conserver comme les font les kuffars, ils font des statues, des choses, des commémorations ou des lieux historiques pour pouvoir se rappeler des rois, se rappeler des gens qu'ils ont glorifiés, des personnalités qu'il y avait chez eux, artistes même, ou présidents, ou les héros de guerre, ou Rayl Zalika. Le fait de conserver cela, quand même, sont des choses qui mènent au shirk. Et cela fait partie des dînes de la Jahiliya. Et les koufars le font à même aujourd'hui. Une personne meurt, ils en font une statue. Ils en font un lieu particulier. Donc il dit cela est un moyen qui amène au shirk. Pourquoi? Parce que les générations d'après, comme ce fut le cas du peuple de Nour, toi, eux au début, ils ne comptent pas adorer cette statue ou cette personne. Juste, ils veulent s'en rappeler et la glorifier. Qu'elle marque l'histoire. Mais les générations qui sont après, Shaitan leur embellit les actions, il faut qu'ils se mettent à les adorer. Il leur dit, vos pères, vos ancêtres n'ont pas conservé les traces de ces gens-là, si ce n'est que qu'elles contiennent une baraka et qu'elles contiennent un khayr. Donc de là, les gens se mettent à les adorer au fur et à mesure du temps. Donc il dit que le shir par la suite, فَلَا يَقُلْ قَائِلُونَ النَّاسَ الْأَنْ عَلَى دِينَ صَحِيَ وَعَلَى التَّوْحِيدِ qu'aujourd'hui les gens sont sur une religion authentique, sur le tawhid, ils connaissent. Parce que les gens de la jahiliya ne le savent pas, mais nous on connaît maintenant. Donc si on fait cela, il n'y a pas de mal. On dit, là, il dit c'est pareil. Il a dit, ne limite pas ta vision au moment, à l'actualité, au présent, mais vois loin. Car avec le temps, les gens vont oublier, comme ce fut le cas du peuple de Nour. Le peuple de Nour, ils étaient sûrs, le tawhid à la base. Le shirk n'est apparu qu'après. Depuis Adam, il est Nour, alayhi salam, les gens n'étaient pas dans le shirk. Ils étaient sur le même millah. Et c'est depuis que ces gens-là sont arrivés que le shirk il a commencé à apparaître. Donc les gens étaient sur le tawhid aussi avant. Mais Shaitan l'en fait oublier. Et c'est pour cela que Nour, alayhi salam, est le premier messager. Awal Rusul, Bouissa il al-Ard. Adam, alayhi salam, était un prophète et non pas un messager. Et il y a khilaf entre deux ulama, certains disent que Idris est venu avant Nour. Allah alam. En tout cas, le premier messager envoyé aux gens de la terre, c'est Nour, alayhi salam. Donc ensuite, pour revenir au shahid de Dar, et Nadwa, c'était un lieu que, dans lequel se réunissaient les nobles de Quraysh, les nobles de Quraysh. Donc c'était un lieu qui était honoré pour eux, qui était glorifié. Et par la suite, quand les gens sont convertis à l'islam, celui est resté. Dans la même situation, jusqu'à ce que vienne le khalifa de Muawiya, radiallahu anhu. Donc les gens ont laissé, pourquoi? Pour que les gens puissent s'en servir comme lieu de qui puisse être habité ou Rayl Zalika, d'un lieu d'accueil ou d'abri pour des gens. Puis après, ce lieu fut acheté. Il appartenait à Hakim ibn Hizam, qui était l'un des notables de Quraysh, qui s'est converti assez tard, tardivement, mais qui s'est converti. Et ce lieu lui était racheté. Et les gens l'ont blâmé pour cela. Ils ont dit, comment tu as vendu un lieu d'honneur, yani l'honorabilité de Quraysh, c'est-à-dire ce lieu-là, pour nous, c'était une gloire. Il a dit, ses honneurs sont partis et la taqwa est restée. C'est-à-dire qu'en fait, l'honneur dont vous parlez, il n'existe plus, il n'a pas de valeur pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est la taqwa. Donc ce lieu en lui-même ne représente rien du tout. Hazahu. Va comme quand les shir, Hadha yushbi kalam illa. Hadha yushbi kalam Allah, inna akramakum indallah atqakum. Que certes, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pur d'entre vous. Donc la parole de Hakim ibn Hizam revient à ce verset. Que la seule chose qui a de la valeur, c'est la taqwa. Et celui en lui-même ne représente rien du tout. Et les gens avaient encore dans leur cœur, justement, par rapport à ce sharaf et ce karam présent dans ce lieu, et qui en réalité était basé sur les gens du shirk de l'époque. Donc il dit, le khurasa, c'est qu'il n'est pas permis de conserver des choses revenant pour se remémorer les gens, qui qu'ils soient, car cela sont les portes qui amènent au shirk. Et celui qui est quelqu'un de pieux et qui a de la science, les gens ne vont pas l'oublier. Subhanallah, jusqu'à cette époque, regardez comment on parle des compagnons, regardez comment on parle des salafs, regardez comment on parle des ulama. Ils sont bien plus cités que des grands rois parmi les koufars, qui eux ont tout fait pour qu'ils ne soient pas oubliés. Mais ça vient d'Allah, si demain Allah il veut, tout le monde t'oublie, personne ne parle de toi. Ou vite fait. Mais t'as des gens, jusqu'à aujourd'hui, regardez l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, jusqu'à ce jour, son livre est peut-être le livre le plus étudié en religion. Même des gens de la bid'a, reconnaissent la valeur de ce livre, même s'il interprète. Je parle pas des shi'a ou des rafida. Mais même des gens de la bid'a, ils sont toujours apparentés à l'islam, voyez, ont un respect pour ce livre et reconnaissent la valeur de cet imam. Même s'ils ne la reconnaissent pas comme il se doit, forcément. Regardez, plus de 1200 ans que ce livre a été écrit, et étudié, et mémorisé, et que les gens en prennent soin. On n'a pas besoin de statut de l'imam Bukhari, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Son nom est toujours présent jusqu'à ce jour, et le Zahir qui restera, il l'intakoum essa'a. Yann Allah subhanahu wa ta'ala kala, la tazel ta'ifatum min. أو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزل طائفة من أمتي قائمين ظاهرين الحق. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Et cette vérité est préservée par la religion, donc par les textes qui sont le Coran et la Sunna. Donc la Sunna est préservée également. Et aujourd'hui, les affaires de Sunna les plus authentiques sont présents dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Il y en a d'autres, mais ces deux livres-là sont les plus grands livres qui ont été écrits et les plus authentiques. Wallahu ta'ala a'lam. Et on finit par la mas'ala al-sabi'a wa thamina wa tasi'a wa thamanin wa tis'in, qui sont la 87e, la 88e, la 89e et 90e mas'ala réunis ensemble. Qal min khisal al-jahiliya al-baqiya fi ba'd hadhihi al-umma, parmi les caractéristiques de la jahiliya toujours présentes dans cette umma et qui ne cesseront de l'être. Et bien qu'il y en a d'autres, mais ces quatre-là en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informer qu'elles vont rester. قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت, qui sont le fait de se vanter, de s'aligner, le fait de diffamer celle des autres, en quelque sorte, et le fait de rechercher la pluie, des centres de pluie par les monts, par les planètes, par les étoiles, et le fait de se lamenter en criant, se déchirant le vêtement sur les morts. قال في شرح هذه المسائل أربع من مسائل الجاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث. Donc ça c'est parmi quatre مسائل de ceux de la jahiliya. C'est ça qu'il les a mis les quatre ensemble car elles sont liées dans le même hadith. Donc il dit الفخر بالأحساب. C'est quoi الفخر بالأحساب? Il explique que c'est le fait que la personne se vante de ses pères et grands-pères et des alikas. Voyez, de leur rang qu'ils avaient auparavant. Et à savoir que cela n'est pas lié, masalan, par rapport à leur valeur dans la religion. Par exemple, c'est pas le fait que quelqu'un se vante que son grand-père c'était un grand savant. Mais plutôt par rapport au rang qu'ils avaient au niveau des gens. S'aligner, comme on dit. Donc les gens, pour se vanter, se rappellent de leurs ancêtres. Soumakwala, attend fil amsab. Masalan, le fait de diffamer cette même lignée des autres. Comme par exemple dire un tel n'est pas de telle origine, ou un tel n'est pas d'une vraie tribu, il n'est pas d'origine. Par exemple, un tel, tu es dans un pays, il dit lui c'est pas un vrai, lui c'est un étranger à la base, c'est pas un vrai d'ici, c'est pas un pur. Mais c'est Zalika. Ou le dénigrer pour son origine, du lieu d'où il vient. Comme Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba. Ô vous les hommes, nous avons créé d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des peuples ainsi que des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc ces tribus, ces origines, ces lieux d'où nous venons, notre valeur n'est pas liée à cela. Notre valeur est liée, notre noblesse est liée à notre taqwa, comme le verset le stipule. Et il y a une muhadara sur le sujet qui a été faite, alhamdulillah, par rapport au racisme et les alikas. Donc, ta lignée, tes origines, ne te seront en rien utiles au Malakiyama si tu n'es pas quelqu'un de pieux. Même tu es une Ahl al-Bayt, tu es un Hashimi, tu es l'Ahl al-Bayt, des gens de la maison prophétique, cela ne te servira à rien si tu n'es pas pieux. Cela ne t'apportera aucun avantage. Alors que dire de ceux qui ne le sont même pas? Wallahu a'lam. Fouma qol, l'istisqa bil nujum, c'est le fait d'avoir une croyance que la pluie descend par les étoiles. Et cela est du shirk. Taïeb, ala kufr. Kama dja fi hadith, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ba'd ma salla al-fajr, qala atadrun ma dha qala rabbukum, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbah min ibadi mu'minun wa kafir. Fa amma man qala mutirna بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بكوكب وأما من قال مترنا بنو كذا وكذا فهذا كافر بي ومؤمن بكوكب qui l'a dit? Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit nous ne savons pas. Il a dit de mes serviteurs certains sont devenus mécréants au lieu de croyants. Celui qui dit que la pluie nous est parvenue, nous est descendue par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, celui-là croit en moi et m'y croit aux planètes. Quant à celui qui dit que la pluie nous est venue par le biais de ces planètes, alors celui-là m'y croit en moi et croit aux planètes. Donc les gens qui font des calculs par rapport aux constellations, par rapport aux étoiles, et qui disent que cela est une cause de descente de la pluie, cela est de la mécréance. Et cela est toujours présent chez des gens qui s'apparentent à l'islam. Et ça, c'est parmi les sifat de la jahiliya. La pluie ne descend que par la grâce d'Allah, c'est lui qui décide. Et pas par les étoiles. Elles n'ont aucune part dans le cours de la création. Thumma kammal bil niyaha. Niyaha. Comme on l'expliquait, c'est le fait de lever la voix lors d'un décès. Voyez, et se lamenter et s'irriter contre ce que Allah a décrété. C'est-à-dire comme se présent chez les femmes le plus, elles crient, elles se déchirent les joues, elles se déchirent les vêtements peut-être, et elles hurlent. Elle lève les mains vers le ciel comme si elle disait pourquoi. Elle se plaignait et elle s'irritait contre ce que Allah SWT a décrété. Et ça, c'est parmi les sifats des gens de la Jahiliya. C'est eux qui faisaient beaucoup cela. Donc là, dans ce moment-là, le shir rappelle bien que l'insan, il doit pas se chanter et se contenir, se maintenir, se rappeler que c'est une chose que Allah il a voulu. Lilla ma a'ta wa la'u ma akhadha wa kulushi bi ajli musamma fal tasbir wa tahtasib comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam binti. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une de ses filles, son fils était mort, elle l'a appelé pour qu'il vienne, elle a dit, c'est Allah qui donne et c'est lui qui reprend. Et toute chose a un décret, un délai bien déterminé. Donc, qu'elle patiente et qu'elle fasse de l'irtiseb. C'est le fait de rechercher la récompense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais une chose et en faisant cette chose-là, tu es niya d'en tirer une récompense. C'est comme ça que le musulman doit venir, doit se contenir, ou doit agir. Ou, yatib l'istirja. Ce qu'on appelle l'istirjia, c'est le fait de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un, comme dit dans l'aya, dans le verset. Alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Donc le fait de dire inna lillah, c'est certes Allah que nous appartenons, wa inna ilayhi raji'un, c'est vers lui que nous revenons. Comme dans le verset, il est venu dans le sens où Allah dit ceux, lorsque une épreuve les touche, ils lisent cette parole-là. Vous voyez, donc ceux-là, on les salade d'Allah sur eux, son éloge, et sa rahma, et sont eux les bien guidés. Donc ça, ce sont des sifats toujours présentes aujourd'hui, et qui resteront, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé. Le fait qu'il l'informe ne veut pas dire qu'il l'agrée, mais qu'il t'informe que cela va arriver. Wa hadhi min dalail an-nubuwa, parmi les preuves de la prophétie. Car on le voit aujourd'hui. Tamam. Donc aujourd'hui on a pris des masa'il qui sont qu'ils prennent des moyens qui mènent au shirk. On a expliqué comme le fait par exemple de prendre des lanternes sur les kobours. Qu'ils se recueillent auprès des kobours. Et ils en font des lieux de Eid. Qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala en égorgeant auprès des kobours. Qu'ils conservent les traces des gens qu'ils glorifiaient. Comme les rois, comme les savants, ou comme même aujourd'hui les personnalités médiatiques. Même aujourd'hui, un footballeur, ils vont lui faire un statut. Peut-être même une place, la place de Foulen. Comme ça. Et après, les gens vont visiter ce lieu et en faire un lieu de Eid, peut-être même. Pour un ballon. Et après, si t'as les quatre khisal, qui font partie de la jahiliya, qui sont le fait de se vanter, de s'aligner, ou de critiquer celle des autres, ou de rechercher la descente de la pluie par les planètes et les étoiles, et niyaha qui est le fait de crier, de salamonter et de s'irriter lors d'un décès. فبيد القدر نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين.